29 accusations orales. Sortir. Présent de l'indicatif. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Tu restes à la maison? Et vous répondez. Non, je sors. 2. Robert reste à la maison? Non, il sort. 3. Et vous deux, vous restez à la maison? Non, nous sortons. 4. Mireille et Guylaine restent à la maison? Non, elles sortent. 5. Tu restes à la maison? Non, je sors.